Chapitre 3e. Pendant que Marthe et Saint-Austroberte s'entretenaient en marchant sous les platanes, M. Denis et Philippe, qui les suivaient du regard, passaient par des émotions bien différentes. Tout entier la satisfaction que cette promenade lui causait, M. Denis, riant et parlant haut, se montrait l'homme le plus heureux du monde. Philippe, au contraire, en proie à l'angoisse et à la colère, s'enfonçait les ongles dans les chairs et se cramponnait fortement au barreau de la chaise de fer sur laquelle il était assis. Aux premières gouttes de pluie, il se leva vivement. « Il fallait prévenir Mademoiselle Marthe, » dit-il. « Croyez-vous qu'il n'entende pas la pluie sur le feuillage ?» dit M. Denis en le retenant. Déjà, il revenait, Marthe la première, en courant, Saint-Austroberte plus posément, comme il convenait à un homme qui n'a peur ni de la pluie ni de l'orage. M. Denis alla au-devant de sa fille et la prenant dans ses bras pour l'embrasser. « C'est bien, » dit-il à voix basse, « ce que tu as fait là est d'une bonne fille, tu m'as compris. » Elle leva les yeux sur lui pour le détromper et se défendre d'avoir voulu faire quelque chose qui peut être agréable à Saint-Austroberte, mais la réflexion l'empêcha de céder à ce mouvement instinctif. Son père n'était plus, comme il avait été jusqu'à ce jour, le confident de ses pensées. Elle ne pouvait plus parler avec franchise, elle ne pouvait plus tout oser. « Je vais changer de robe, » dit-elle. Elle était à peine mouillée. Mais dans ce changement de toilette, elle trouvait un prétexte pour rester seule pendant quelques minutes. Cependant, elle ne voulut pas s'éloigner sans dire un mot à Philippe pour le rassurer. Elle se dirigea de son côté, comptant sur un heureux hasard pour lui glisser quelques paroles. Mais au même moment, Saint-Austroberte arrivait. Il s'arrêta, n'osant pas aller plus loin. Il sentait ses yeux sur elle, et elle en était encore paralysée. Alors, pour échapper à cette influence, elle tourna le dos au vicomte, et elle put ainsi lancer à Philippe un long regard, dans lequel elle mit assez de tendresse, pour que celui-ci, furieux, fût instantanément réconforté. Ce ne fut qu'un éclair, mais un de ces éclairs éblouissants qui illuminent la nuit la plus noire. Philippe, qui dans son trouble voulait tuer Saint-Austroberte et se laisser entraîner par l'emportement d'une colère folle, ne pensa plus qu'à rire de lui. Seule dans sa chambre, Marthe put réfléchir à ce qui venait de se passer. Malgré l'effort qu'elle fit pour se dégager des paroles qui l'avaient enveloppée comme un filet habilement lancé, elle resta embarrassée sous ses plis. Avec la bonne foi de la jeunesse, elle avait cru que pour obliger Saint-Austroberte à renoncer à sa demande, il n'y avait qu'à lui dire qu'elle ne l'aimait pas. Sans doute, cela était assez difficile à formuler, et la démarche était pénible pour elle. Mais enfin, il fallait la faire, si désagréable qu'elle pût être. Et pendant toute la journée, elle s'était affermie dans sa résolution. Elle dirait ceci et puis encore cela. Alors le vicomte serait bien forcé de comprendre qu'il n'avait qu'à se retirer. On n'épouse pas une jeune fille malgré elle. On ne s'obstine pas à la poursuivre après qu'elle vous a dit qu'elle ne veut pas de vous. Au moins c'était ainsi qu'elle avait compris les choses et elle lui avait paru si naturelle, arrangée de cette façon, qu'une fois sa résolution prise, elle avait été impatiente à la mettre à exécution. Les regards heureux que Saint-Austroberte tâchait sur elle l'exaspéraient, tandis que la mélancolie de Philippe l'agaçait. À l'un, elle avait envie de dire que sa tendresse devait attendre pour se montrer, à l'autre, que sa tristesse était trop prompte. Quand elle aurait parlé, leurs sentiments changeraient. La tristesse de l'un serait remplacée par la tendresse de l'autre par la tristesse. Et comme M. de Saint-Austroberte ne lui inspirait aucun intérêt, elle s'était fait une joie de ce petit coup de théâtre. Elle trouvait son plan prodigieusement bien combiné. Elle était fière d'avance du résultat qu'il devait infailliblement amener. Grande avait été sa surprise de voir qu'elle ne pouvait pas l'exécuter, ce plan, et qu'il lui était impossible de débiter avec calme le petit discours qu'elle avait préparé. Ce n'était point ainsi qu'elle avait compté que les choses se passeraient. Elle parlerait, Saint-Austroberte l'écouterait, et quand elle se tairait, il n'aurait plus qu'à s'en aller, rien n'était plus simple. Non seulement elle n'avait pas pu parler, ou en tout cas, elle n'avait pas pu dire ce qu'elle voulait dire, mais encore, elle avait dû écouter, et ce qu'elle avait entendu la jeter dans l'inquiétude et l'épouvante. Pourquoi donc M. de Saint-Austroberte n'avait-il pas voulu lui laisser la liberté de s'expliquer franchement? Pourquoi lui avait-il fermé la bouche, comme s'il avait peur d'entendre ce qu'elle avait à dire? Il y avait là pour elle quelque chose d'inexplicable. N'avait-il pas tout intérêt à savoir ce qui se passait en elle et quels étaient ses sentiments? Puisqu'il voulait devenir son mari, ne devait-il pas chercher toutes les occasions de l'étudier et de la connaître? au lieu de les chercher, ces occasions, il les fuyait, et quand elles se présentaient, il les repoussait. Car elle ne pouvait pas se tromper sur la direction qui avait été donnée à cet entretien par Saint Ostrobert. Du commencement à la fin, l'unique souci de celui-ci avait été de l'empêcher de parler. Il voulait donc l'épouser quand même et malgré tout. Alors il ne l'aimait pas, et ce n'était pas son cœur qu'il désirait, c'était sa fortune. S'il en était ainsi, et tout semblait le prouver, c'était bien l'homme que Philippe redoutait, capable de tout pour réussir. Dans son esprit inexpérimenté, ses conséquences ne s'étaient pas présentées avec cette netteté et cet enchaînement. Elle n'avait pas marché sûrement de déduction en déduction, mais s'égarant tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, elle s'était souvent perdue dans des profondeurs pour elle insondables, et elle avait eu grand-peine à retrouver un fil conducteur au milieu de ces détours de conscience qui se révélaient à elle pour la première fois. Mais lorsqu'elle était arrivée à cette conclusion que Saint Ostrobert voulait l'épouser à tout prix, elle avait été prise d'épouvante, car elle avait alors compris ses dernières paroles, qui tout d'abord lui avaient paru assez embrouillées. Elles n'étaient que trop claires maintenant, ces paroles, que trop précises dans leur obscurité voulue. S'il trouvait un rival devant lui, il le tuerait. Et dans la bouche d'un homme qui tirait le pistolet comme lui, ce mot menaçant avait une terrible portée. Savait-il que Philippe était ce rival? Maintenant, la question était là. Mais malgré l'ardeur fiévreuse qu'elle mit à la sonder, il lui fut impossible de la résoudre. Elle se perdait dans le dédale des inductions par lesquelles elle devait passer pour éclaircir ce point, et elle n'arrivait qu'à se donner le sentiment désespérant de son impuissance et de son inexpérience. Il y avait là évidemment des choses qu'elle ne connaissait pas, et qui n'étaient ni de son âge, ni de son monde. Lesquelles? Elle était fine, et la vie quotidienne avec une belle-mère qu'elle craignait avait aiguisé encore cette finesse native. Bien souvent, par une sorte d'instinct féminin, elle avait deviné des choses qu'elle ne comprenait pas, mais précisément pour cela, elle ne pouvait pas se laisser emporter par des illusions qui eussent été toutes puissantes sur une nature moins délicate. Lorsqu'elle eut reconnu qu'elle était devant une porte fermée et sans moyen de l'ouvrir, elle ne s'obstina point à rester devant cette porte en attendant l'aide du hasard ou du temps. Que Saint Ostrobert sut ou ne sut pas que Philippe était son rival lui parut être une question secondaire. La principale était que Philippe ne resta point exposé à ses menaces le jour où cette rivalité serait connue, ou bien le jour où elle éclaterait. C'était là l'essentiel, et c'était de cela seul, qu'elle devait se préoccuper pour le moment. Le reste viendrait plus tard. Avant tout, elle devait sauver Philippe. Aussitôt qu'elle se fut arrêtée à cette idée, elle s'habilla à la hâte et descendit de sa chambre. Mais pendant son absence, l'orage s'était déclaré. On avait quitté la véranda pour se réfugier dans le salon. Au moment où elle entra dans cette pièce, un formidable coup de tonnerre secoua le château du Faîte aux fondations. « Je croyais que tu t'es resté caché dans ta chambre, » dit M. Denis, puis se tournant vers Saint Ostrobert, il voulut expliquer ses paroles. « Il faut que vous sachiez, » continua-t-il, « que cet enfant était renversé par la foudre quand elle n'avait que 3 ans, et que depuis cette époque, l'orage produit sur elle un effet extraordinaire. Elle, qui habituellement n'a peur de rien, tremble pendant l'orage, comme une feuille, et longtemps avant qu'on entende le tonnerre, on la voit pâlir. » Sans pâlir et sans trembler, elle vint se placer derrière Philippe, qui, le visage collé contre une fenêtre, paraissait suivre attentivement la marche des nuages qui passaient sur la Gironde, dans ses noirs, éclairés sur leurs contours curvilignes par le mince sillon des éclairs. « Pourquoi donc l'éclair suit-il toujours une ligne courbe ou brisée ? » dit-elle comme si elle voulait se faire expliquer les phénomènes de l'électricité. « Parce que l'électricité suit toujours la ligne qui offre le moins de résistance à sa transmission, » répondit Philippe, surpris de cette question. « Alors ?» À ce moment, un nouveau coup de tonnerre ébranla les vitres de ses roulements. « Il faut, » dit Marthe, sans se laisser mouvoir, et profitant de ce bruit assourdissant, « que vous partiez pour Paris immédiatement et que vous obteniez sur M. de Saint-Ostrobert tous les renseignements que vous pourrez. » Les roulements s'étaient éloignés. Marthe fit signe à Philippe de continuer sa démonstration scientifique. Les décharges comprimant l'air, l'électricité cherche la partie où l'air est le moins condensé. Alors, elle dévie de la ligne droite pour suivre une ligne capricieuse, droite ou brisée. Vous comprenez? Parfaitement. Ces paroles étaient échangées à haute voix et elles arrivaient jusqu'à M. Denis et à Saint-Ostrobert qui étaient assis au milieu du salon. Un coup de tonnerre retentit, et pendant que ses roulements et son retentissement se prolongeaient, les deux amants reprirent leur entretien intime. « Je n'ai rien obtenu, » dit Marthe, « c'est bien l'homme que vous redoutiez. Et vous voulez que je parte, que je vous laisse livrer à son entreprise, que j'aille à Paris pendant qu'il reste ici? Je veux que vous fassiez ce que je ne peux pas faire, que vous me défendiez à Paris pendant que je me défendrai ici. » Un intervalle de silence les interrompit et les obligea de reprendre leur conférence météorologique. « L'éclair que vous venez de voir, » continua Philippe, et dont la forme approchait de celle d'une sphère, « est un phénomène qui n'a pas encore été expliqué. » Et il continua ainsi assez longtemps, jusqu'au moment où une nouvelle détonation les isola. « Au moins, m'écrirez-vous ? » demanda Philippe. « Je vous en prie, ne me demandez pas cela. Je vous promets que si je suis menacé, vous recevrez un mot. Écrivez-moi votre adresse. Vous me la donnerez avant ce soir. Partez demain. » « Je partirai. » À ce moment, Saint-Austrebert s'avança. « Il me semble que mademoiselle supporte bien cet orage, » dit-il. « C'est qu'il y a orage et orage, » dit Philippe, venant au secours de Marthe, « selon que l'électricité aérienne est positive ou négative. » Devant une démonstration qui avait l'apparence scientifique, Saint-Austrebert n'osa pas insister. D'ailleurs, Marthe, que l'énergie avait soutenue jusque-là, s'était laissée tomber dans un fauteuil, et n'ayant plus rien à dire, elle s'était abandonnée au mouvement nerveux qui l'oppressait.